Isanganiro. Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal, en voici les titres. Les élections collinaires au quartier des femmes qui souhaitent intégrer le forum des femmes sont en cours ce samedi. 15 sièges sont à pourvoir sur chaque colline ou quartier. Une pénurie du sucre fait parler de la commune Ebruri bientôt un mois. L'administration communale affirme la situation et précise que cette commune n'a pas été approvisionnée au cours du mois de février. Et l'investissement au Burundi devrait prioriser les secteurs porteurs de croissance de l'économie. Une suggestion de l'économiste Prosper Niyoboke. Et ces secteurs ont été priorisés dans le budget de l'État. Exercice 2022-2023, vous l'entendrez. Et après ce journal, je vais céder le micro à Jean Bosco Nduimana et Odandaï Chimier pour vous présenter la revue de la presse. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, les élections au niveau collinaire ou quartier des femmes qui veulent intégrer le Forum national des femmes sont organisées ce samedi 5 mars 2022. Cela figure dans une déclaration du ministère ayant le genre dans ses attributions de ce vendredi. La ministre Imelda Sabuchimi qui précise que le mandat des organes est de 4 ans, renouvelable une seule fois. Et ce mandat a déjà pris fin. Les élections des organes du Forum des femmes au niveau national sont prévues le 7 courant. Elle appelle les femmes qui remplissent les conditions à répondre massivement à ce rendez-vous. Le point avec Audrey Akimana, stagiaire à notre station. Dans ses déclarations, le ministère de la Solidarité nationale des droits de la personne humaine et du genre a organisé des élections de renouvellement des membres du Forum national des femmes. Ce ministère rappelle qu'au Burundi, le Forum national des femmes ont été créés par le décret numéro 100/306 du 21 novembre 2012. Comme le mandat du Forum national des femmes est de 4 ans renouvelable une fois et touche à sa fin, ces élections sont organisées comme suit. Au niveau collinaire ou de quartier, 15 femmes représenteront les autres et les candidates doivent être natives et résidentes de cette colline. Au niveau communal, toute commune sera représentée par 5 femmes et ces dernières doivent avoir un niveau minimum des humanités générales ou un niveau de D6. Quant au niveau provincial, c'est toujours 5 femmes qui représenteront la province et la condition exigée est d'avoir un niveau minimum de licence. Selon cette déclaration, les membres de forum au niveau national sont en nombre de 100 et sont composés des femmes membres de forum élus au niveau provincial, auxquels s'ajoutent des membres cooptés pour garantir la représentation des femmes des différents milieux et des idées diverses. Les membres du bureau du Forum national des femmes, au nombre de 5, sont élus au suffrage universel en direct par les femmes membres du Forum des femmes au niveau provincial. Ces élections au niveau collinaire et de quartier sont prévues ce samedi le 5 mars 2022, quant aux élections communales et provinciales sont prévues ce dimanche le 6 mars 2022. Sinon, toujours cette déclaration et ces élections au niveau national sont prévues le 7 mars 2022. Le ministère de la Solidarité et des droits de la personne humaine et du genre invite toutes les femmes burundaises remplissant les conditions exigées à participer massivement en ces élections en tant que candidates et électrices. Merci Audrey Akimana. Et l'enveloppe allouée à l'investissement au Burundi devrait prioriser la modernisation du secteur agricole. Suggestion d'un économiste qui affirme que cette modernisation entraînerait d'autres secteurs tels que l'industrie et l'énergie. Jean-Prosper Niyobo qui trouve que l'investissement au Burundi a été impacté par différents faits dont les élections et les différentes crises. Suivez-les au micro de Mireille Kanyang. Au Burundi, je dirais que quand on parle d'investissement, oui, c'est un peu timide. Pourquoi? Simplement, c'est, je parle oui, de l'investissement public. Pourquoi? Il faut voir d'abord, quand on parle de l'investissement, là, c'est un engagement sur le long terme. Quel engagement, quel devoir nécessite une mobilisation de moyens assez conséquents. Et des fois, ce n'est pas automatique que le gouvernement puisse réunir des moyens qui peuvent permettre à ce qu'on arrive vraiment à avoir l'investissement qu'on souhaiterait. Alors, pourquoi je dis simplement, à la lecture de ce qu'est notre budget, oui, je sais que certains secteurs ont été promis, et puisque ça nous l'était un peu avec les exercices passés ou précédents. Oui, on a senti quand même qu'il y avait de l'initiative de la part de l'État. Il y avait donc il y a cet engouement aussi à vraiment cette volonté manifeste de booster l'économie. mais des contraintes existent. La preuve en est que si on se réfère sur le plan qu'on avait, donc je dirais c'était notre boussole, mais du coup c'est le plan de développement national 2018-2027. On s'était fixé un horizon d'abord, c'est d'abord 2022, le taux qu'on espérait avoir tout de croissance économique, vraiment, on n'a pas su suivre, mais pour des raisons multiples. Il y a eu certains facteurs, je dirais, limitants, sans pour autant chercher à revenir sur les statistiques par rapport au montant tel qu'ils sont alloués au niveau du budget 2021. Et je vous dirais que, à mon humble avis, ce qui pourrait être mis en avant en termes d'investissement, c'est d'abord, on regarde la démographie burundaise, qui est la part de population qui est affectée, donc qui est au niveau du secteur agricole. À mon niveau, moi, je commencerai par l'agriculture. Moderniser l'agriculture, faire en sorte que cette agriculture soit une agriculture qui soit orientée vers le marché. Donc, et ça demanderait quoi ? Ça demandait des investissements. Et le budget de l'exercice 2022-2023 sera centré sur les priorités de l'État, dont l'agriculture, l'industrialisation et l'emploi des jeunes. Cela figure dans une note présentée au Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi de cette semaine. Prosper Nhagwami, secrétaire général porte-parole du gouvernement, précise que les enveloppes budgétaires allouées au ministère au cours de l'exercice budgétaire resteront compatibles avec les priorités du gouvernement. Suivez-le. Cette note est présentée comme complément de la note sur le cadrage budgétaire présentée lors de la réunion du Conseil des ministres du 16 février 2022. Elle apporte des éclaircissements sur les grandes priorités du gouvernement qui seront financées et réalisées au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023 en tenant compte des objectifs du plan national de développement et des 6 domaines prioritaires de la législature actuelle, à savoir l'agriculture et l'élevage, la santé publique, l'industrialisation, l'emploi des jeunes et la promotion sociale des vulnérables, les infrastructures sociales et économiques, la paix et la réconciliation nationale. Les enveloppes budgétaires à allouer aux différents ministères et institutions au titre de l'exercice budgétaire 2022-2023 resteront compatibles avec les grandes priorités du gouvernement. La plupart des enveloppes seront reconduites, voire même diminuées, en vue de concentrer le gros du budget à l'investissement dans les secteurs prioritaires. Concernant les recettes additionnelles projetées pour financer les grandes priorités du gouvernement, elles proviendront essentiellement de 2 sources, à savoir les recettes additionnelles de l'OBR à hauteur de 504,5 milliards de francs, résultant de la digitalisation des finances publiques. La rationalisation des dépenses qui va générer une économie de moyens, des montants estimé à 14 milliards de francs suite à la réduction au strict minimum des dépenses relatives aux ateliers et séminaires. À l'issue de l'analyse de cette note, les observations suivantes ont été formulées, notamment: les recettes en provenance des structures de l'État qui font entrer des recettes sont difficiles à budgétiser pour le moment du fait que les résultats de l'année passée seront prêts après le 31 mars 2022. Après l'adoption des bilans, ces recettes seront prises en compte dans la loi budgétaire 2022-2023. Pour les intérêts générés par les entreprises à participation publique, l'État participe dans la répartition des dividendes. Les budgets des institutions parapubliques et des sociétés publiques doivent désormais apparaître dans le budget de l'État car le capital a été donné par l'État. Les ministères de tutelle doivent faire le suivi nécessaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les leaders des partis politiques doivent éviter des enseignements divisionnistes à l'endroit des jeunes, comme cela a été souvent le cas lors des périodes électorales. Cet appel est d'Erasme Akizimana, secrétaire exécutif permanent de la commune de Lomongué, qui conseille du coup les jeunes à tourner le dos à ce genre de politique voulant hypothéquer leur avenir. C'était lors d'un débat organisé par Yaga à Lomongué ce vendredi sur l'évolution de la cohabitation entre les jeunes de Lomongué et les mesures à arrêter pour un avenir prometteur. De Lomongué, rendons-nous à Bururi pour vous parler de la pénurie du sucre qui s'observe dans cette commune depuis plus d'un mois. Même au marché noir, ce produit est aujourd'hui introuvable. Au niveau de la Sosumo, l'on confirme que la commune Bururi n'a pas encore reçu le sucre du mois de février, mais le fournisseur pourra le recevoir très prochainement. Zeno Nzambimana. Selon les acheteurs rencontrés au chef-lieu de la province de Broly, le dernier sucre a été distribué le 25 janvier de cette année, c'est-à-dire que cette pénurie du sucre s'observe depuis plus d'un mois dans toute la commune de Broly. Ces acheteurs grognent que même le sucre qu'ils achetaient au marché noir, en prix variant entre 4500 et 5000 francs burundais, est aujourd'hui introuvable. Les commerçants qui vendaient clandestinement ce sucre disent qu'ils s'en approvisionnaient au prix exorbitant et dans d'autres provinces, mais aujourd'hui, de peur d'être infligés des amendes par l'administration, on préférait suspendre son commerce. Interrogé à propos de cette pénurie du sucre, le fournisseur nous a indiqué qu'il n'a pas encore reçu le sucre du mois de février destiné à la commune de Bururi. Festus Tuiseng, coordinateur du bureau de liaison de la Sosumo à Bujumbura, confirme que la commune de Bururi n'a pas encore reçu le sucre du mois de février. Nous avons voulu savoir quand ce sucre sera disponible. Festus Tuiseng nous a répondu en disant qu'ils sont en train de programmer les activités de la semaine prochaine, mais la commune de Bururi aura sa quantité de sucre très prochainement. Depuis Bururi, Zenon Zamimara pour la radio Isanganiro. De Bururi Cap sur Kayanza, au nord du pays, pour vous parler des auteurs des viols qui devraient être punis sévèrement pour décourager ce phénomène. Ce sont les propos des parents habitant la colline qui seront un ou une fille arrière mentale a été violée et ainsi a conçu une grossesse non désirée plutôt. Au niveau de l'administration communale à Kayanza, l'on dit que le présumé auteur de ce viol reste recherché pour être traduit devant la justice. Christian Baragnidziguié, conseiller de l'administrateur communal de Kayanza en charge des affaires sociales, indique qu'il est pourtant difficile de connaître le vrai auteur de la violence sexuelle. Au point avec Patrick Nsengiyumva. Yvette Mouluziza a été victime d'une violence sexuelle quand elle avait encore 17 ans, comme le témoignent ses parents. La mère de la victime fait savoir que leur fille a par après eu une grossesse non désirée, dont le terrain en même temps père de l'enfant restait jusqu'aujourd'hui inconnu. Les parents de la victime, qui affirment d'ailleurs être dans une situation de vulnérabilité, font savoir qu'ils éprouvent d'énormes difficultés à élever ses enfants. Même les voisins de la famille de Yvette Mouluziza confirment les propos de sa mère. Ils indiquent qu'il est fort déplorable qu'il y ait encore des gens qui font des violences sexuelles aux femmes et filles, allant même jusqu'à le faire à ceux qui souffrent des problèmes mentaux. Et les parents de la victime, de même que leurs voisins, tous demandent aux instances et habilités de mettre en place des sanctions sévères à l'encontre des auteurs des violences faites aux femmes et filles. Au niveau de l'administration communale Kayanza, l'on dit être au courant de la situation de la famille et de la victime dont Yvette Ngurunziza. Christian Valanizi, le conseiller de l'administrateur communal Kayanza chargé des affaires sociales, fait savoir que le présumé auteur de cette violence reste recherché pour être traduit devant la justice. Celui-ci fait savoir pourtant que dans ces pays en voie de développement, il est fort difficile de connaître le vrai auteur de ce type de grossesse si l'on ne fait pas recours à la méthode dite acide désoxyribonucléique ADN ainsi. Même propos avec Céline Ndaïsaba, coordinatrice à la direction provinciale en charge du développement familial et communautaire à Kayanza. Toutes ces autorités demandent la mise en place d'autres méthodes sûres pour connaître l'auteur de la grossesse en cas de viol, expliquant que sur le certificat médical issu de l'expertise ne suffit pas. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Et pour boucler cette édition, six clubs de karaté en provenance de toutes les régions du Burundi s'affrontent ce samedi dans le championnat national de karaté. Gilbert Habugimundu, directeur technique au sein de la Fédération burundaise de karaté, fait savoir que les équipes classées vont représenter le Burundi dans les compétitions internationales de karaté prévues cette année. Suivez les propos ont été recueillis par Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Ce championnat s'inscrit dans le cadre des activités qui sont organisées chaque année par la Fédération burundaise de karaté. Malgré que ça a été fait avec retard, ce retard est dû au fait que, pour la fin de l'année 2021, nous avons eu un problème avec la crise sanitaire. Et il y avait une vague de contamination au Covid-19, donc ce qui a fait que la Fédération fasse un petit report pour que la situation se normalise. Maintenant, la situation est presque normale, c'est pourquoi on a organisé ce championnat ce mois-ci. Quand je retourne un peu en arrière, ce championnat, dès le début, s'organise au niveau des régions. Et ce sont les deux premiers de chaque région qui se présentent en finale. Malheureusement, il y a des régions qui n'ont pas été représentées parce qu'ils avaient des problèmes avec la finance. Ils n'avaient pas de moyens suffisants pour pouvoir amener les athlètes ici. Mais quand même, ce sont les deux qui devraient se présenter. Pour le moment, alors, les deux de chaque région se sont présentés malgré l'absence de quelques régions. Et ce sont ces deux qui sont maintenant ici pour la phase finale. Donc, les éliminatoires se sont déroulés au mois de novembre. Et maintenant, c'est la phase finale. Donc, les quatre premiers seront couronnés par des médailles. C'était Gilbert Havugimhundu, directeur technique au sein de la Fédération burundaise de karaté. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci Albert Ndouayo pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Jean-Bosco Ndouimana et Oda Ndaichimier. Gardez l'écoute. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Au-delà des festivités, une lutte permanente, titre l'éditorialiste du journal Burundi Echo. Et c'est pour évoquer le 8 mars de chaque année où le monde célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Pour son confrère, au lieu d'organiser des cérémonies grandeur nature avec toutes les dépenses que cela suppose, l'on ne devrait pas perdre de vue ce dont pourquoi les pionnières se sont sacrifiées. En effet, explique-t-il, les femmes, toutes catégories confondues, devraient dénoncer les inégalités, les injustices, le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, les violences conjugales, les féminicides, le viol, l'inceste, etc. Notre confrère réserve un focus sur Estella Simbandoumé, une jeune étudiante qui excelle en mécanique. Il l'a rencontrée au quartier Jabé de la zone Bouiza, dans la commune de Mukaza, en mairie de Bujumbura, là où est implanté le garage qui a embauché l'étudiante Estella Simbandoumé comme mécanicienne. Selon ce journal spécialisé dans les questions socio-économiques, elle est une étudiante en première année dans la faculté des sciences économiques et gestion à l'Institut universitaire La Centrale d'Afrique. Auparavant, elle était secrétaire dans ce garage. Juste après, elle s'est décidée à apprendre le métier de mécanicien pour ne pas opérer dans un secteur qu'elle ne maîtrise pas. Elle est seule à exercer ce métier dans cette société avec une dizaine d'hommes. Son ambition est de se doter de son propre garage, où elle compte engager beaucoup de filles et femmes pour briser les stéréotypes qui disent que la mécanique est un métier réservé aux hommes. Et le journal Iwacu, parlant des médias sensibles au genre, trouve qu'il y a encore du pain sur la planche. Au moment où l'association des femmes journalistes AFJO fête son jubilé d'argent, elle est encore loin d'atteindre sa principale mission, le respect de la dimension genre dans les médias, regrette-t-il. En effet, sur 157 médias locaux reconnus par le Conseil national de la communication, seulement 28 sont dirigés par des femmes. Sur 37 radios émettant sur le territoire national, 4 sont dirigées par une femme. L'emblème de la représentation féminine dans les médias étant la directrice de la radioculture, Salomé Ndaichimié, la première femme à diriger un médium, et cela depuis 7 ans, fait remarquer cet hebdomadaire. Les enseignants des cours de journalisme et de l'audiovisuel de 3 institutions universitaires viennent de bénéficier d'une formation des formateurs sur la pédagogie active avec le soutien de l'ambassade de France au Burundi en partenariat avec l'école supérieure de journalisme de Lille, rapporte la voix de l'enseignant qui fait remarquer que cette pédagogie est déjà en vogue au poste fondamental et qui s'appelle la pédagogie d'intégration, consiste à placer l'apprenant au cœur de la formation. Il s'agit des enseignants du département de journalisme à l'Université du Burundi et du lac Tanganyika et du département de l'audiovisuel à l'Université Lumière de Bujumbura. Pour Stéphanie Maurice, formatrice, la multiplication des exemples concrets, le plus souvent les articles de presse, un extrait du journal radio et télévisé, permettent aux stagiaires de donner des critiques positives et négatives. Cette méthode a l'avantage pour les stagiaires, car c'est eux-mêmes qui formulent les qualités et les défauts à éviter, souligne cet hebdomadaire de l'éducation. Revue de la presse. Vers l'implantation d'une usine d'huile à base d'eucalyptus en commune Mugamba, annonce Net Press. Dans une lettre écrite au directeur gérant de l'usine d'huile à base d'eucalyptus, Rumena, est cité par ce quotidien en ligne, La directrice de l'industrie au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Anita Chimilimana, autorise provisoirement pour une année l'implantation de cette usine sur la colline Munini de la zone Kivumu, en commune Mugamba, dans la province d'Obururi, au sud du pays. Les justiciables de la commune Rutegama, province Muramvya, apprécient bien les descentes du procureur sur terrain pour recevoir leurs doléances et les sensibiliser sur les codes de procédure pénale, constate l'agence burundaise de presse. Selon son confrère, le procureur de la République à Muramvya a insisté sur les lois réprimant le concubinage, la polygamie, la fabrication et la commercialisation des stupéfiants, la rébellion contre les jugements rendus et d'autres. 800 élèves finalistes du secondaire réfugiés en Tanzanie, titre l'avenir en République démocratique du Congo, qui révèle que le premier ministre Samalou Kondé veut une solution urgente pour ce cas de plus de 800 élèves finalistes du secondaire réfugiés à Kigoma en Tanzanie et qui n'ont pas pu participer aux épreuves de l'édition 2021. En effet, écrit son quotidien, il a instruit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'intégration régionale ainsi que celui de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travailler en synergie pour apporter une réponse appropriée à cette question. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Odandaï Chimie et Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.